On commence par les causes de l'amour d'Allah. Quelles sont les causes pour arriver à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? L'imam ibn al-Qayyim a cité 10 causes qui permettent au serviteur d'atteindre ce degré, d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qui compte, c'est pas d'aimer Allah. Ce qui compte, c'est qu'Allah t'aime. Ce qui compte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. La première cause qu'il a citée, rahimahullah, c'est la récitation du Coran avec méditation et compréhension de ses sens et de savoir ce qui est voulu par ces versets. De la même façon que les étudiants en sciences, quand ils étudient un épître dans le fiqh, dans le nahou, tu vas trouver qu'ils vont le mémoriser, ils vont l'étudier et l'étudier auprès d'un savant et prendre son explication et la comprendre jusqu'à comprendre chaque détail dans cet épître. C'est ça qui est visé ici. C'est de connaître tous les détails de ce livre. Al-Qur'an al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il a parlé réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et l'état de celui qui a ce message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la parole d'Allah entre les mains, sont bien-aimés et il ne comprend pas ce qu'il lui dit. C'est pour ça tous, on doit faire les causes pour comprendre la parole d'Allah. Et Allah s'est adressé à nous en langue arabe. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est très facile d'apprendre la langue arabe. Il y a certaines démarches à faire pour arriver à comprendre le Coran. Je parle d'une compréhension minimale. Tu lis un verset, tu comprends le contexte et le sens général en t'aidant avec un tafsir. Et ça peut commencer par connaître le sens des mots. Une première étape pour comprendre le sens général du verset. Donc ça, c'est la première cause pour arriver à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la récitation et la lecture de sa parole. Et sa compréhension, sa méditation. Et de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi à travers ce livre. La deuxième cause, c'est de multiplier les actes surrogatoires après les obligations. Car les actes surrogatoires permettent d'arriver à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le hadith al-Qudusi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi avec quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai prescrit. La meilleure chose avec laquelle tu te rapproches d'Allah, c'est les obligations. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Et mon serviteur ne cesse de multiplier les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, ça c'est la deuxième cause. c'est de multiplier les actes surrogatoires après les obligations. Ne va pas dans le surrogatoire alors que tu négliges les obligations. Commence par l'obligation. Si tu es redevable par une obligation, commence par l'obligation. Et ensuite, fais ce que Allah te permet comme surrogatoire. Et le surrogatoire, c'est pas forcément en quantité. Comme dans toutes les adorations, et ça nous l'avons vu d'une manière détaillée. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, avec très peu d'adorations surrogatoires, ils peuvent dépasser des gens qui ont énormément d'adorations surrogatoires. On ne parle pas de l'obligation. Tout le monde est concerné par les obligations. Mais, avec moins de surrogatoires, il peut le dépasser. En fonction de ce qu'il y a dans son cœur. Quand il dit Subhanallah, est-ce qu'il le dit avec méditation, avec compréhension, avec glorification d'Allah, avec exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut et de tout manquement, est-ce qu'il a ces sens qui sont présents dans son cœur ou c'est une simple parole qu'il répète avec la langue? Faut pas désespérer. C'est des choses, même si on les a pas atteints aujourd'hui, et je parle de moi le premier, mais la voie pour les atteindre, c'est la persévérance et la continuité jusqu'à atteindre ces degrés-là. Adorer Allah en ayant le cœur présent, le cœur vivant, en méditant, réfléchissant sur ce que tu fais et ce que tu dis. C'est-à-dire, tu ne vas plus aller vers Allah avec le corps. Tu vas vers lui avec le cœur. Quand tu es dans salat, c'est pas le corps seulement qui est présent, qui est sorti de la maison et qui est allé vers le masjid. C'est aussi le cœur qui est sorti et qui est venu devant Allah et qui le voit. Il l'adore, adore Allah comme si tu le voyais. Il voit Allah, il voit ses signes, il voit ses attributs, il voit ses attributs sublimes, il voit ses noms parfaits, il voit son excellence et sa perfection à travers ses créatures et sa création. C'est ça la vision possible dans cette dunya. Mais la vision réelle, avec les yeux, n'aura lieu qu'après la mort dans le paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de cette vision qui est le plus grand bienfait qu'Allah accorde aux gens du paradis. La troisième cause, c'est la constance dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous ses états, l'état du serviteur. C'est la persévération dans le rappel d'Allah, dans dhikrullah, dans tous tes états, avec la langue, avec le cœur, avec les actes, avec l'état. Et sache que plus ta part dans l'évocation d'Allah augmente, plus ta part dans l'amour d'Allah augmentera. Donc, la part dans l'amour d'Allah est proportionnelle à la part de l'évocation d'Allah. Plus tu évoques Allah, plus il t'aimera. Et après, il faut voir comment tu l'évoques. Mais évoque-le. Évoque Allah. Fais dhikr. Adoration très facile. Adoration qui ne demande aucun effort. Adoration qui peut être pratiquée à tout moment, à tout endroit. adoration qui ne demande pas d'abandonner ses occupations, son travail, ses fonctions mondaines, mais regardez comment on est avec cette adoration. Si tu veux voir comment tu es avec Allah, regarde comment ta langue, elle est dans l'évocation d'Allah. La quatrième cause, c'est de préférer ce que Allah aime à ce que toi t'aimes. De passer ce que Allah aime devant ce que toi t'aimes. Et ça, c'est pas en temps normal. Car en temps normal, beaucoup de gens y arrivent. Il dit, rahimahullah, dans les moments où les envies sont fortes, est-ce que dans ces moments-là, yani t'as rien à faire, tu vas assister à un cours. Tu n'arrives pas à t'occuper, tu vas lire le Coran. T'as fini toutes tes activités, tu lis un livre de religion. Non, c'est pas ça qui est visé ici. Ce qui est visé ici, c'est de faire passer ce que Allah aime devant ce que t'aimes dans les moments où les envies atteignent les summums. Une affaire qui te rapporte énormément d'argent, salat, et de rater salat al-jama'a. Comme exemple, qu'est-ce que tu fais passer en premier? Et ça, préférer ce que Allah aime à ce que t'aimes dans les moments d'envie forte, c'est le chemin vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui permet de surmonter les difficultés et les épreuves, quand bien même ces dernières sont difficiles. C'est ce qui permet, il dit, d'escalader quand bien même la montée est difficile. La cinquième cause, c'est de voir avec le cœur les noms d'Allah et ses attributs, de les connaître et de les voir. Et de balader son esprit dans ses jardins de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui connaît Allah avec ses noms et ses attributs et ses actes, il l'aimera sans aucun doute. C'est pour ça, Al-Mu'attila, ceux qui renient les noms et les attributs d'Allah, et le Jahmiya, en réalité ce sont des brigands, ceux qui coupent la route, des brigands qui empêchent les cœurs d'atteindre leur bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala. La sixième cause, c'est de réfléchir sur la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bienfaisance, et de méditer sur ses bienfaits et ses grâces sur toi. C'est ses bienfaits apparents et cachés. Car ça, c'est une cause d'aimer Allah et que tu te fasses aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur a été créé comme ça. Il aime ceux qui sont bienfaisants avec lui. Si tu veux gagner l'amour d'une personne, donne-lui, offre-lui des cadeaux. Elle t'aimera. L'être humain est comme ça. Alors que dire quand toi tu te rappelles les bienfaits d'Allah sur toi? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ces bienfaits dont tu n'as même pas conscience de la grande majorité de ces bienfaits. Tu n'as jamais réalisé que c'était un bienfait. Tu respires, tu manges, tu dors, tu te réveilles. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut même pas les compter. Et la grande majorité des bienfaits d'Allah sur nous, la plupart des hommes ne les réalisent même pas, jusqu'à les perdre. Combien de fois par jour on réfléchit sur le bienfait de la santé? Le bienfait de trouver de quoi manger. Et avant ces bienfaits, comme on a vu dans le cours précédent, là on parle des bienfaits de dunya, sur lesquels tout le monde est d'accord. Mais les plus grands bienfaits d'Allah sur nous, c'est les bienfaits religieux, le bienfait de la foi, le bienfait de la guider, le bienfait de Al-Qur'an, le bienfait de Salah, et ainsi de suite. Médite sur ces choses-là, sur ces sens-là, ça augmentera ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah t'aimera par conséquence. Ni'ma d'être guidé dans la sunna et dans la salafia. Peut-être que tu ne maîtrises même pas la langue arabe. Et Allah t'a guidé dans la sunna. C'est un bienfait immense. Wallahi, je ne peux pas l'exprimer avec les mots. Quand tu lis dans les biographies des hommes de science, des très grands savants qui se sont égarés de la sunna, et certains parmi eux, après l'avoir connu, Wallah al-Musta'an. Et parmi les contemporains, regarde combien de personnes a dévié de la sunna, après avoir été un savant dans la sunna. Et toi, t'es toujours attaché à la sunna. Pourquoi? Est-ce que parce que tu l'as mérité? À cause de ta science, à cause de ta piété, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et personne n'est à l'abri de l'égarement. Quand on voit des hommes de science qui s'égarent et qui dévient, que dire de nous, faibles comme on est, faibles dans notre science, faibles dans notre foi, faible dans notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur Tawhid et sur la Sunna jusqu'à le rencontrer. Mais personne n'est à l'abri. Le Nabi alayhi salatu wassalam, l'invocation qu'il faisait le plus, Ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ça, c'est ce qu'il disait le plus dans ses invocations. La septième cause, et ça c'est parmi les causes les plus fortes, c'est l'humilité du cœur dans sa globalité et dans sa totalité devant Allah. Et il dit, rahimahullah, l'imam ibn al-Qayyim, il dit que dans l'explication de ce phénomène, de cette grande adoration, l'humilité du cœur devant son Créateur, il dit qu'il n'a que les termes et les mots. c'est comme s'il voulait dire qu'il n'a pas connu la réalité de cette adoration, qu'il ne l'a pas goûtée. Et ça, c'est de par sa modestie, rahimahullah. La huitième cause, c'est la retraite, de se retirer et de s'éloigner des gens et de s'isoler avec son Créateur dans la période de sa descente vers le ciel du bas monde, le troisième tiers de la nuit, et de psalmodier ses paroles et de faire salat à ce moment-là et de se tenir debout devant lui avec l'adab qui convient à cette station, avec la politesse qui convient à cette station, l'adab de la dévotion et de l'humilité et de l'adoration devant le Seigneur des mondes, le Roi suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, et de boucler cela avec la demande de pardon et de repentir. Que dire des gens qui n'arrivent pas à ce moment, ce troisième tiers de la nuit, ils n'arrivent pas à quitter leur lit et être devant leur Créateur, ne serait-ce qu'avec le corps. Là, il dit de venir avec le corps et le cœur. Un cœur présent, un cœur vivant. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous pardonner notre manquement et nos négligences. La neuvième cause, c'est les assises des pieux, les assises de ceux qui aiment Allah et qui sont sincères dans cet amour et qui sont véridiques dans cet amour. Et à la tête de ces hommes-là, les savants de la sunna. Et d'assister à leurs assises et d'en tirer profit et de se tenir à écouter et de ne jamais parler ou s'exprimer que quand il y a un intérêt prédominant. Sinon, garder le silence et se tenir et se limiter à tirer profit de leurs paroles et de leurs discours. La dixième et la dernière des causes, c'est l'éloignement de toute cause qui fait barrage entre le cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les choses qui éloignent le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme l'excès dans les choses autorisées et permises, كَكَثَرَةِ الْإِنْشِغَالِ بِالدُّنْيَا, de consacrer beaucoup de temps aux affaires mondaines, l'excès dans les paroles et dans la nourriture, dans les boissons et dans le sommeil, sans parler des péchés, des innovations et des actes d'associationnisme. Tout ça éloigne le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éloigne le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers ces 10 causes, il dit, rahimahullah, que ceux qui aiment Allah sont arrivés à cet amour. Et c'est à travers ces 10 portes qu'ils sont arrivés devant leur bien-aimé. Ces 10 causes qu'on peut résumer en 2 points. Le premier de ces 2 points, c'est la clairvoyance. La science, l'ilm, l'ilm nafi, la science profitable, tirée du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça, c'est la première clé de cet amour. La deuxième, c'est la préparation de l'âme à cette affaire, cette grande affaire, d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment la préparer? C'est avec ce qu'on a vu, notamment ces 10 causes.